Job chapitre 2. Or il arriva un jour que les enfants de Dieu vinrent pour se présenter devant l'Éternel, et que Satan aussi entra parmi eux, pour se présenter devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, en disant, « Je viens de courir çà et là par la terre, et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « N'as-tu point considéré mon serviteur Job, qui n'a point d'égal sur la terre, homme sincère et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal, et qui même retient encore son intégrité, quoique tu m'aies incité contre lui pour l'engloutir sans sujet. » Et Satan répondit à l'Éternel, en disant, « Chacun donnera peau pour peau, et tout ce qu'il a, pour sa vie. Mais étends maintenant ta main, et frappe ses os et sa chair, et tu verras s'il ne te blasphème point en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Voici, il est en ta main, seulement ne touche point à sa vie. » Ainsi Satan sortit de devant l'Éternel, et frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante de son pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tai pour s'en gratter, et il était assis dans les cendres. Et sa femme lui dit, « Conserveras-tu encore ton intégrité ? Bénis Dieu, et meurs. » Et il lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevrions de Dieu les biens, et nous n'en recevrions pas les maux. » En tout cela Job ne pécha point par ses lèvres. Or trois des intimes amis de Job, Eliphaz, Thémanite, Bildad, Suite, et Tsophar, Naamathite, ayant appris tous les maux qui lui étaient arrivés, vinrent chacun du lieu de sa demeure, après être convenus ensemble d'un jour, pour venir prendre part à sa douleur, et le consoler. Et levant leurs yeux de loin, ils ne le reconnurent point, et élevant leur voix, ils pleurèrent, et ils déchirèrent chacun leur manteau, et répandirent de la poudre sur leur tête, en la jetant vers les cieux. Et ils s'assirent à terre avec lui pendant 7 jours et 7 nuits, et nul d'eux ne lui dit rien, parce qu'il voyait que sa douleur était fort grande.